Pyromane. Je fais du rap criminel. D'après les dirigeants du CSA, qui veut test Pyromane, SASA, le CSA. Lance des SOS, t'es qui l'ont comme ma foi. Trop de vérité dans ma bouche, c'est ça qui gêne, ouais, c'est ça. On essaie de bloquer ma musique, moi combien mon rap, en effet. Y'a pas de culture musicale dans ce pays qui frappe. Les jeunes dans le hip hop à fond pour s'en sortir. Ils préfèrent voir la population des prisons s'agrandir. On essaie de bloquer mes frères et mes rosses. Mais la musique prendra dessus, gars, faut serrer les seufs. Ouais, on essaie de nous faire croire qu'au Congo y'a plus d'espoir. Mais t'as vu ça dans quel film, dans quelle scène, dans quelle histoire? On essaie de s'en sortir grâce à la musique. Mon cœur, ma joie de vivre, ma seule passion, c'est ma musique. Mon hip hop, mon rap cru, mon rap de rue, ma combien technique. Je représente les musiques d'Amérique latine et d'Afrique. On se défend grâce à la zik, jamais on défend. On se détend car c'est physique, je sais qu'on s'entend. Pas de guerre de 100 ans. Est-ce que tu comprends l'hip hop? Donc on a place qui nous revient, il est grand temps. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se défend grâce à la zik, on sait ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se détend car c'est physique, on y aime ça. Tu sais ça, qu'est-ce que je peux dire à part DJ, vas-y remets ça. La musique c'est toute ma vie en fait, tu me crois comme ça. Le son est mon sang et ça se sent d'échange de vie avec ça. Tu sais quoi, en fait je connais le secret. Sois en accord avec ton esprit et ton cœur refrain. Surtout nos refrains, vois les mêmes erreurs que les faux MC. C'est-à-dire faire des photocopies de MCMC. Car trop de clones font les clowns ici. Même si on déteste, je forte le wack MC. Je dis les choses comme je pense, pas de crari. Faut croire que je parle trop, que je parle trop, que je parle trop parce que je suis Larry. Pourquoi on voit on a musique qui ouvre les esprits, on t'esquive personne quoi. À toi les chiens détestés, j'invite à te réfugier dans la musique et ses récits. Maintenant apprécie la puissance de la pro, j'aime si. On se défend grâce à la zik, jamais on béflant. On se détend car c'est physique, je sais qu'on s'entend. Pas de guerre de 100 ans. Est-ce que tu comprends le hip hop? T'as prendre la place qui nous revient, il est grand temps. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se défend grâce à la zik, ouais c'est ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se détend car c'est physique, yeah, yeah. On aime ça. Mauvaise graine gravite autour des sons des femmes, je crains vite. Le triste sort de la musique. Les groupes ne font plus d'efforts au niveau des lyrics. Puis héroclic, rime de luxe, mince, on reste frais et frais pour les refs et refs. Avec le jour, puis t'assure, je n'ai pas trop fait. Hip hop champion pendant 2000, je lève mon trophée. Je reste sur mes gardes devant la prophète. Si, qui disait que le monde serait inondé de faux MC, mon nom c'est. Pyromane et je pense qu'ils font un procès pour les mauvais sons qui inondent les sons d'un effet. Je pense qu'il faut bloquer les accès radiophoniques. Fuck off ton MC qui se prend pionique. Pyromane, pyromane, yo, just comme ça. Ça fait, écoute ça garçon. On se défend grâce à la zik, jamais on béflant. On se détend car c'est physique, je sais qu'on s'entend. Pas de guerre de 100 ans. Est-ce que tu comprends l'hip hop? D'apprendre la place qui nous revient, il est grand temps. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se défend grâce à la zik, ouais c'est ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se détend car c'est physique, on aime ça. On se défend grâce à la zik, jamais on béflant. On se détend car c'est physique, je sais qu'on s'entend. Pas de guerre de 100 ans. Est-ce que tu comprends le hip hop? Donc on a place qui nous revient, il est grand temps. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se défend grâce à la zik, on sait ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja. On se détend car c'est physique, on aime ça. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, ja.